Les frustrés, d'après Claire Bretéché. L'ami d'Ernest, la cinquantaine, cadre, calvitie mes cheveux longs, costard défraîchi, t-shirt, très grosses lunettes, whisky sec. Claudine, la trentaine, débardeur sans soutif, jupe molle, accoudée au bar, whisky glaçon. J'aime énormément Ernest Platovski. Énormément. Faut pas oublier qu'à la base, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mérite. Moi, je trouve qu'on ne peut pas lui en vouloir d'être devenu ce qu'il est. Vous savez, Claudine. Moi, je le connais depuis 20 ans. C'est un garçon qui a eu une grosse revanche à prendre. Genre ? Oh, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait indiscret. Milieu extrêmement modeste, pas vraiment le monde ouvrier, mais pas loin. Père alcoolique, je me demande si sa mère ne faisait pas des ménages. Ah non, je dis des bêtises. Elle était dactylo, c'est ça. Enfin, peu importe. Mais bon, vous imaginez. Le père qui rentre bourré, la mère qui se prend une rouste. Ah oui ? Enfin, j'imagine. Alors forcément, avec un bagage pareil, il a eu des débuts difficiles. Je le sais mieux que personne, c'est moi qui l'ai fait rentrer chez Le Mercier et Fils à l'époque. Eh bien, croyez-moi, Claudine, il en a bavé. On le traitait comme un chien. Vous vous souvenez du vieux Le Mercier ? Non, vous ne l'avez pas connu, vous êtes trop jeune. Le vieux renard, toujours le cigare à la bouche. Il était plein aux as et il avait l'air d'un clochard. Une réussite exemplaire. Eh bien, je me souviens, il jetait des objets par terre, comme ça, l'air de rien, et il disait « Ernest, ramasse !» Et le pire, Claudine. Le pire, c'est qu'Ernest ramassait. Oh, c'était très pénible. J'ai dû souvent intervenir. J'ai dit au vieux de cesser ce jeu stupide. Il était un peu surpris, le vieux. Personne ne l'ouvrait devant lui, tout le monde faisait le dos rond. Mais bon, il y a des limites. Là, je lui ai dit, il faut arrêter. Non, ça devenait insupportable. En plus, Platovski, c'est un garçon qui a toujours eu des complexes physiques terribles. Ah oui ? Vous savez pourquoi il porte la barbe ? Parce qu'il n'a absolument pas de menton, mais ce qui s'appelle pas de menton, rien. Ce qui s'appelle rien, sous la lèvre inférieure, là, direct, c'est le coup. Vous voyez ? Mais c'est pas de sa faute, hein. C'est de naissance, il n'y peut rien. Mais ça a toujours été son problème, depuis tout petit. Dans la cour de récréation, je ne vous dis pas ce qu'il devait entendre. On le sait, les gamins sont cruels. Vous avez des enfants, Claudine. Et bien entendu, il y a 20 ans, le père Le Mercier n'admettait pas que ses employés portent la barbe. Vous pensez à l'époque, c'était très mal vu de porter la barbe. Mais Ernest, ça le rendait très malheureux. De sorte qu'il était complètement rétracté avec les femmes. Rétracté ? Ah oui, c'est le cas de le dire. Il était rétracté. Il l'est toujours d'ailleurs. On peut dire qu'il est pratiquement puceau. C'est pas parce qu'il porte la barbe qu'il n'a plus de complexe. Les femmes, pour lui, ça reste le continent inconnu. En plus, il avait une manière de s'habiller. Oh. Évidemment, le vieux Le Mercier le payait le plus mal possible. Il le traitait comme un chien. Il le payait comme une merde de chien. Alors Ernest, côté nippe, forcément, il avait l'air misérable. Il n'avait pas les moyens. Et ça le rétractait encore plus pour les femmes. Ça le rétractait ? Remarquez, c'est pas qu'une question de moyens, parce qu'aujourd'hui, il les a, les moyens. Alors évidemment, il fait des efforts, mais on a beau dire, le milieu où on est, on n'en sort jamais complètement. Par exemple, vous avez remarqué ses chaussettes ? Ses chaussettes ? Ah, il n'a jamais compris que les chaussettes de couleur vive, ça craint. Il n'y a rien de tel que ce genre de détail pour trahir le milieu d'origine. Mais bon... Tout ça ne l'a pas empêché de faire la carrière que l'on sait. Et s'il est devenu d'une arrogance et d'une susceptibilité maladive, c'est à cause de ce que je viens de vous raconter et aussi de tout ce que je passe sous silence. C'est pour ça que, quoi qu'il fasse, j'aurai toujours une grande amitié pour Ernest. Claudie. Claudine. Histoire des religions. C'est quoi ça, maman? Ça, c'est une banderole. C'est écrit quoi sur la banderole, maman? C'est écrit non aux centrales nucléaires. Regarde, mets ta main là. Tu vois? Tiens bien fort le bâton, d'accord? Parfait. Thomas, viens voir maman. Viens. Bouge pas, Frédéric. Toi, Thomas, fais comme Frédéric. Regarde ton frère, Thomas. Regarde Frédéric. Enlève ton doigt de ta bouche. Allez, tiens ça. Thomas, fais comme Frédéric. Tiens le bâton. Je veux aller dans la voiture. On va dans la voiture tout à l'heure. D'abord, on va à la manif. Non, pas la manif. Je veux aller dans la voiture. Voyons, Thomas. Tu veux pas que les petits poissons meurent et que les pauvres pêcheurs n'aient plus de travail? On y va. Pourquoi ils meurent, les petits poissons? Je t'ai déjà expliqué. Les vilaines centrales nucléaires vont verser de l'eau chaude dans la mer et ça va les tuer. Tu veux pas, hein? Non, on y va. Allez, donne ta main. Tiens le bâton. Allez, maman, maman, on y va. Papa, Thomas, il veut pas aller à la manif. Écoute, laisse-les tranquilles. Tu vois bien qu'ils sont trop petits. Ça, c'est trop fort. Alors moi, on m'a emmerdé toute mon enfance à m'envoyer à des processions de la fête Dieu. Et maintenant, on veut m'empêcher d'envoyer mes propres enfants à une manif. Les Frustrés, adapté de Claire Brotéché par Christelle Wurmser. Avec François Sienner, Nathalie Canoui, Carole Franck, Léo Dias, Simon et Serge Fallu. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.